60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. J'aurais tout classable le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Merci Mathieu Boudreau, toujours incroyable, excellent, pertinent. On est à 70%. Vous avez un tape en background, c'est quelque chose qui m'est très précieux. Je suis content de commencer l'émission là-dessus. Tu peux le laisser un petit bout de temps. C'est le taille-beau, en fait, parce que ce soir, au visionnement douteux, les gens ont voté pour Billy Blanks. Vous avez voté pour un acteur, en fait, qui a fait partie de la liste de mon acteur préféré pendant de nombreuses années, mais qui n'y est maintenant plus. À un moment donné, il faut faire autre chose qu'être la mascotte de Subway et rebrander l'aérobie. On va en reparler plus tard. Il est dans acteur dans le film de ce soir. On parle de l'excellent... T'sais, on l'entend en background, j'aime ça. Il y a Billy, il est content. On parle de l'excellent ce soir. C'est Back in Action, alias Coup de Force, que les gens ont voté de pour de la Dondue au www.douteux.org. On est très content d'avoir vos votes. La démocratie parle pour une vraie affaire, les vraies valeurs. Ce soir, sinon... ce soir, sinon, on a une émission pas mal chargée. Vous allez voir, on a Mathieu Boudreau qui est en studio et qui va être sûrement son usuel, on l'espère. On a un spécial Les Coupes du Monde avec David Saïd. On a aussi Fred Fournier qui prend la relève, le lot fardeau des bras de Bruno. Qui va nous parler des nouvelles de l'univers. Et en fait, on va commencer avec un petit clip tout de suite, sans plus attendre. C'est un clip qui me rappelle le bon vieux temps. Ce sera pas assurance dentaire, mais on va l'écouter dans l'émission. Ça va être le générique de Cocotte Minute. Je cherchais ça à toutes les années sur Facebook, YouTube, pour essayer d'un moment donné de trouver, et je veux m'en sortir de l'esprit directement en commençant à ce 70%. Allez pas trop loin au retour, je vais avoir une chronique un petit peu spéciale pour vous. Ça va me faire plaisir d'être encore en gros plan. Et puis ben là, on écoute le générique de Cocotte Minute. On pense à toi, Jean-Sébastien Godette, qui va être là la semaine prochaine, là. Bon, à 70%. Salut! Mon nom à moi, c'est Anatole Bonbon. J'habite là-bas dans une cabane. J'adore la pêche et je collectionne tout ce que j'attrape. Ici, dans le sud, c'est la vie facile. Les gens sont gentils et bienveillants. Et aussi, un peu timbrés. Je trotte du côté de chez Cocotte, c'est la reine du boogie et du popcorn aussi. Minute mon beau renard, joue si bien de la guitare, mériterait la palme des musiciens de chant. Anatole Oh yeah, hein? Si ça, c'était pas le bon vieux temps. Ah, l'assurance dentaire, il me l'a coupé, Colin. Ben oui, on va la remettre dans l'émission. Tu peux skipper un petit peu vers l'avant qu'on voit réellement Billy Blanks qui nous taille-boise. Il avait fait ça fin 90 et ça lui a permis de devenir la mascotte de Subway. Le Taibo qui est effectivement un rebrandage, c'est important. Tu prends l'aérobie qui existe depuis que les Grecs se levaient debout le matin, puis nos ancêtres, là. Et puis là, ben, tu transformes ça en... Tu rajoutes un mot, tu appelles ça du Taibo, comme si c'était un art martial quelconque. T'es Billy Blanks, t'as fait des substances et du karaté, et là, il a mis des pantalons pour avoir les jambes qui ont l'air un petit peu moins larges. Je trouve ça très bizarre comme choix esthétique. Qui suis-je pour critiquer les choix esthétiques d'autrui? Allez faire un tour sur mon Facebook. Donc, on commence là-dessus. En fait, non, avant de commencer, avant la première photo, s'il te plaît, Mathieu, je vous rappelle que douteux.org fait son plus gros événement à vie. Ce samedi, c'est au Monument National, dans la salle Hydro-Québec, c'est les Caliques. Et puis, ben moi, avant que ce samedi-là arrive, je call tout de suite que je suis extrêmement fier de Stéphane Pajot, qui s'est démené en sacrifice là-dessus. Et ça nous fait, finalement, c'est le premier événement payant de douteux.org. C'est particulier de faire ça avec une institution comme le ZooFest. On va voir comment ça va se passer. Mais moi, peu importe le résultat, peu importe combien de personnes vont se déplacer, j'ai la conviction qu'on tient quelque chose de beau avec les Caliques, et ce que je vais me souvenir de plus de l'expérience, c'est à quel point on s'est mobilisé rapidement et efficacement. Merci encore une fois, Stéphane. Donc, manquez pas ça, ça se passe ce samedi, et puis les trois samedis qui suivent aussi, c'est un ongoing tournament, là, dans le sens que on voit là à chaque fin de semaine, jusqu'à la finale, dans le quatrième samedi, des équipes différentes vont s'affronter. La formule change un petit peu. Cette fois-ci, les équipes vont avoir la chance, certains, de montrer plus qu'un film. Et ça, c'est ça nous était cher parce que les équipes se démènent là-dessus. Et puis, veux pas, il n'y aurait pas de show si les équipes n'étaient pas excellentes. C'est ça, j'y pense vraiment fondamentalement. Donc là-dessus, tu peux lancer la première photo, mon cher compadre de la Boudreau. Fabuleux, hein? On est avec Fappy, avec Billy Blanks en arrière. Je trippe un petit peu. J'ai tout tenté. On était presque là. On y était presque. On touchait la meilleure joke de tous les temps. Nous était livrée, mais ce n'était qu'un rêve. Un oasis absent dans un désert de sens. Je m'en doutais, mais bon, je voulais que ça existe vraiment beaucoup. Bruno et Étienne m'avaient averti. J'ai choisi de vivre dans le déni, parce que si cette joke existait, si Fappy existait pour vrai, on était devant la chapelle Sixtine des jokes, la pyramide de Gizeh de l'humour, la meilleure joke de tous les temps, le concept ultime suprême. Donc, associé au Westboro Baptist Church et enfant spirituel du très sérieux, pour vrai, celui-là, est Anti-Masturbation Movement. Il y a des gens qui se battent chaque jour pour que les gens arrêtent de se masturber. Faut choisir ses combats, c'est ça, être un adulte. Fondamentaliste brainwashé, Fappy était également brainwasher en faisant des tournées dans les écoles, supposément financées par l'État qu'elles étaient, ces tournées. Au final, Fappy est un ami proche et encensé de groupe à l'épicerie aussi gigantesque que reconnu, tel que le Heterosexual Awareness Month, pour ne mentionner que celui-là, qui est encore une fois une de mes jokes préférées de tous les temps. Rappelez-vous à quel point c'est souffrant d'être hétéro et comment on est ostracisé dans le monde dans lequel on vit. Parle-moi-en pas. Hein? Même les hippies, c'est rough. C'est rough. Hey, ouais. Sérieux, Fappy, à mon sens, c'était la meilleure joke, la plus abrutie de toutes les tentatives de passer le message le plus épais, soutenu par les plus ignores de toutes les manières de réfléchir imposées par des connards ignorants de la simple idée de progrès. Et ça, c'est très drôle. Malheureusement, c'était trop beau. Ben oui, en ce mois de juillet, le mois de la fierté hétérosexuelle, pour vrai, que Fappy, c'est en ce mois de juillet que Fappy a essayé de devenir plus gros que la joke. Fappy, je t'aimais. Effectivement, le Super Official News qui vend des t-shirts de Fappy et de son remplaçant, Rabbit, qui est la prochaine photo, The Anti-Masturbation Rabbit, bien sûr, a lancé cette semaine un article disant que Fappy aurait été surpris à se masturber en public. C'était nettement trop gros comme ironie. Ça rendait la joke qui était déjà barely believable. Ça l'a rendu indigestible. Ensuite, la page de Fappy se nomme maintenant Fappy the Anti-Masturbation Dolphin and the Monsanto Company. Impliquant une autre entité vraiment conne dans la joke, la rendant trop grosse pour entrer en bouche, tout simplement. On poursuit, Michael Moore également, c'est la prochaine photo, aurait tweeté qu'il allait faire de son prochain film La vie de Fappy, un documentaire sur le monstre en question. La blague de Fappy est maintenant tellement lourde qu'on peut pas la soulever de la table pour l'amener à notre bouche. Fappy nous permet de gagner des Dogecoin aussi, il paraît. C'est la prochaine photo des Dogecoin. La blague est même plus touchable tellement elle est chaude et lourde. C'est rendu impossible. Mais finalement, le simple fait très, très louche de choisir un dauphin comme mascotte anti-masturbation. Le dauphin s'est reconnu comme étant un petit peu le Nacho Vidal incestueux de toutes les espèces animales. Voilà, la joke est maintenant trop belle pour notre planète misérable et s'écrase sous son propre poids. Heterosexual Awareness Month, Michael Moore, Monsanto, Super Official News, Dogecoin, Westboro Baptist Church, Fappy, je t'aimais, mais force est d'admettre que... Attends, toi, c'est peut-être ça le piège du démon, hein? À chaque fois qu'on dit qu'une les filles, ça n'existe pas, il y a une fille qui meurt, tu sais. L'imagination, c'est tout puissant, puis en plus, Fappy a déjà un costume, a déjà des produits dérivés, des citations rapportées, et surtout, des caves. Il y a beaucoup de caves brainwashées, sauce dogmatique, qui croient en toi, Fappy. Fappy, maintenant, je comprends, t'as essayé de me faire passer un test et jamais plus je ne douterai de toi. Et je vous invite, vous aussi, à rejoindre les masses crédules, à croire en Fappy. Unissez-vous, ignores, imbéciles, influençables et autres dérivés de fiers innocents, et puis les autres aussi pour me faire plaisir. Tous ensemble, par la force de notre imagination, nous allons donner vie à Fappy. Nous allons permettre à Fappy d'exister. Nous allons incarner la meilleure joke de tous les temps et surtout au final, prouver à Étienne et Bruno que l'imagination, c'est plus fort que tout. Ouais. J'y crois maintenant. Merci, Fappy. Hey, là-dessus, Mathieu, est-ce que tu peux mettre la lettre du secondaire de Simon Préjean qui devrait être dans la liste des clips? Sûr. On est à 70%. Au retour, je parie que ça va être Fred avec des nouvelles. Merci, Fappy. Merci, Mathieu. Merci, Fappy. Oubliez pas, hein, faut pas se masturber parce que le dauphin, il s'en crisse pas. Non. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Oh yes, c'est le temps de la lettre mystère de mon secondaire. J'en ai beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup de lettres que je pige chaque semaine dans mon bol de eggnog. Fait que là, qu'est-ce qu'on va pogner cette semaine? Il y en a une qui a l'air jaunie pour X raisons. On va y aller avec ça. C'est quoi ça? Écris-moi personnel. Yes, ça j'aime ça. Finalement, jaune, c'est le marqueur qui vieillit très mal, qui a juste une espèce de trace jaunie dégueulasse. Julie. À Simon de Julie. Et je préfère vous avertir, j'ai aucun souvenir de cette Julie en question. Peut-être que oui, mais son visage ne me revient pas. Et je crois avoir beaucoup de lettres de Julie. Je pense que c'était ma grande fan quand j'étais jeune. Donc, on ouvre la fameuse lettre, toujours très bien pliée, du secondaire. Et ça va comme suit. Salut Simon. Ça va la vie? Moi, pas pire, mais si on sortira ensemble, ça ira encore 100 fois mieux. Eh boy, hein, ça met pas de pression du tout. Ça ira, là, là, bon. Même si t'es cassé, Peut-être casé, mais il y a deux S. Même si t'es cassé puis qu'on sort plus ensemble. Ah, même si, excusez-moi, même si t'as cassé, c'est vraiment très mal écrit et beaucoup de fautes, hein. Même si t'as cassé puis qu'on sort plus ensemble, ben moi je t'aime encore, tabarnak. Tabarnak QE, moins E accent aigu. Depuis que t'as cassé, je suis toute fuckée. Je me comprends plus puis j'arrête pas de penser à toi. L'autre fois, quand Isa m'a dit que tu cassais, je trouvais ça chien. Ok, parce que j'ai fait dire ça par une amie en plus. Eh boy. Tu sais, je t'aime full. À chaque soir, j'ai full de la misère à m'endormir parce que je pense à toi. Même si on sort pas ensemble, dans mon cœur, on sort encore ensemble. Fuck, freak. Mais c'est pas pareil. On se colle pas, on se neck pas et on fait pas d'autres affaires ensemble. Content qu'elle en dise pas trop, mais j'ai été vierge assez longtemps, donc ça doit pas être ben ben gros comme cossin. Anyway, ça fait peut-être ben des X que je le dis. Attends, ça fait peut-être ben des fois. Ok, X fois, bon. Ça fait peut-être ben des fois que je le dis, mais je t'aime! Tu sais, en grosses lettres, là. Je t'aime! Si tu m'aimes plus, ben, je peux rien faire. Si c'est Roxane que t'aimes ou une autre. Oh, Roxane, qu'on a vue il y a pas longtemps. Ok. Celle qui voulait être mon amie, je pense, ouais. Si c'est Roxane que t'aimes ou une autre, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En tout cas, si tu m'aimais plus, ben, je pense que c'était mieux que tu casses. Je t'oublierai jamais et je t'aimerai toujours. Julie love Simon forever. Oh, beau Simon. De son ex qui l'aime, Julie, plein de bec. Hey Julie, je t'ai-tu cassé le cœur? Si seulement je peux me rappeler quelle Julie. S'il y en a qui me connaissent, qui se rappellent c'est qui, j'aimerais bien ça savoir. Ben t'es là, hein? Montez les capsules, on va bien rire. Pas de Julie, là, mais de l'époque, de notre jeunesse, sur ce, merci pour cette belle lettre. Awkward moments, et on se revoit la semaine prochaine. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. En plein dans le mille. Merci beaucoup, Carl. Tu viens juste d'interrompre le fil de mes pensées. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Ils vont avoir besoin de broches. Si on laisse tomber l'assurance dentaire, ça veut dire que je vais être obligé de payer pour les broches! Incroyable. Salut Fred. Allô. Qu'est-ce qui se passe présentement sur la planète Fournier? Hey, il se passe plein de choses là. C'est ça comme une chose n'attend pas l'autre. Avant de commencer, genre. Ils attendent pas. Ils attendent pas. Je lui demande, mais ça marche pas. Hein? Let's go, amène-nous dans le monde de l'univers. Le monde de l'univers. Lindsay Lohan, hein? Commençons les nouvelles, hein? C'est une nouvelle, ça, Lindsay Lohan. En tout cas, elle poursuit les concepteurs du jeu Grand Theft Auto 5, hein, le jeu le plus vendu de l'année, hein, comme par hasard. De l'univers. L'année dernière, en fait. Hein. Oui, de l'univers. Oui, c'est important. La grosse nouvelle chaude, ça, c'est. Grosse nouvelle chaude. Ah, mais elle avait déjà parlé de le faire, mais là, c'est fait, c'est officiel, c'est déposé. Lindsay Lohan poursuit les concepteurs du jeu Grand Theft Auto et l'actrice de 28 ans affirme que le personnage de Lacey Jonas de Grand Theft Auto 5 est inspiré d'elle. Je pense que oui, moi aussi. Ouais, j'ai juste entendu son nom, là. Puis en tout cas, je t'écoute. Selon Lindsay, Lacey Jonas a été créée en s'inspirant des personnages qu'elle a incarnés dans plusieurs films, notamment Mean Girls et Freaky Friday. Dans le jeu, Lacey Jonas se cache dans une ruelle, demande de l'aide pour semer les paparazzi et se plaint tout le long de la raid de char de comment que c'est dur pour elle d'être célèbre. Elle mentionne aussi comment elle n'a pas besoin de plus de poursuites judiciaires. Parle de briser contact avec sa famille, met au clair qu'elle est anorexique et se vante que tous ses fans pourraient remplir le pays d'Afrique, peu importe où ça, ça se trouve. Le pays de l'Afrique, là. Le pays de l'Afrique. OK, là. Loan cherche donc à mettre au clair que cette idiote égocentrique est une représentation sans équivoque d'elle-même. Et donc, comme elle est année de poursuite judiciaire, elle... Voilà. Il y a un loop, là, tu sais. Ouais, a, voilà. En tout cas. pauvre. Jeremy Meeks, le sexy détenu, décroche un contrat de mannequin. Ça aussi, hein, c'est pour faire suivre. Hein. Tout le monde avait vu ça hein, sur les réseaux sociaux, hein, il n'y a pas très longtemps. Tout le monde. Et il devrait être mannequin, pas prisonnier. Hein. Le souhait de millions de femmes est exaucé. Hein? Bravo. Jeremy Meeks, le détenu dont la photo judiciaire est devenue virale sur Facebook le 19 juin dernier, a décroché un contrat de mannequinat. Selon TMZ, le délinquant arrêté pour une série de vols à main armée a signé avec l'agence Blaze Models, basée à Los Angeles. Il aurait empoché la somme de 30 000 $. Gina Rodriguez, l'agente de McMugshot, a affirmé à TMZ, les mannequins à l'allure gangster sont très tendance en ce moment. Oh. Mais le 30 000 $, ça m'a pas convaincu de la tendance. Oui, d'autant plus que la caution s'élève présentement à 1,1 million de dollars. Alors, on essaie de lui assurer certains contrats pour sa sortie, hein, pour que cela puisse changer sa vie, littéralement, a expliqué Rodriguez, une ex-actrice porno à Fox 411. Et elle souhaite également faire de son client une vedette de la télé-réalité. Attention. Ah, ça, c'est compliqué, je veux dire. C'est la première fois que... Ben, on va regarder, hein. On veut savoir ce qui va se passer. Ah, oui, avec, oui. On va regarder. Dehors. On est là-dessus. la jambe du multi-récidiviste gère également les carrières d'Octomom, l'américaine qui a mis au monde des octuplés en 2009. On s'en souvient. Sa carrière. Ben oui. Oui. Et elle gère aussi la carrière de Tan Mom, une mère de famille américaine accro du bronzage, et de Farrah Abraham, qui est connue pour sa sextape. Et qui est aussi une mère, donc... Voilà. Hey, c'est vraiment Satan, cette agence-là. C'est... Je vais être au on fait ce qu'on peut, hein? Ouais, c'est sûr, avec ce qu'on a. On découvre des talents. Let's go next. Unis même dans leur fringale, hein, j'en avais parlé un peu aussi de ça, hein, ils avaient posé ensemble pour faire une annonce de sang, hein, de don de sang, en fait, pas de sang, mais en tout cas, whatever. Les maires de Montréal et Québec, Denis Coderre et Régis Labeaume, sont allés se rafraîchir en dégustant une bonne crème glacée dimanche après-midi suite à la cérémonie commémorative de la tragédie de Lac-Mégantic. Et, je capote. Ouais, les deux hommes ont voulu encourager le bar laitier La Berge glacée, autrefois situé dans la zone rouge complètement dévastée suite au déraillement. Génial. Le commerce a réouvert ses portes le 15 mai dernier dans le nouveau centre-ville, quelques centaines de mètres plus loin. Les affaires vont bien, selon le propriétaire Pierre Boulet. Et les gens sont contents de nous voir. Il y a deux sortes de touristes, ceux qui viennent de l'extérieur voir ce qui s'est passé et les touristes habituels qui prennent des photos avec leur Kodak, raconte-t-il. Donc, je mentionne qu'il... c'est vraiment une analyse de fond. Touriste. Oui. Voilà. Il habite là, tu sais, il est sur le terrain. Denis Coderre a opté pour un cornet de crème glacée molle aux fraises. Aïe, on est rendu loin, hein. Non, tandis que la son planète nouvelle, de Québec, on pourra pas revenir, il faut laisser aller moi, le Wilson des nouvelles. C'est fini. Tandis que son homologue de Québec s'est laissé séduire par une boule de crème glacée dure à l'érable et aux noix, surmontée d'un petit chocolat en forme de canard. J'adore. Aïe, man, j'ai envie de te faire ça. J'aime ça quand ça me fait ça. Les gens étaient... vivait, les gens étaient impressionnés. Et, parce qu'il y avait deux gros messieurs qui mangeaient de la crème glacée. Next! Ouais. Next! Un Chinois dépense plus de 43 000 $ au cinéma. Oui, ça se passe à Pékin. Oh. Un homme d'affaires chinois a dépensé plus de 43 000 $ canadiens, l'équivalent, c'est sûrement en yens, hein, ou quelque chose de même, yuan, pour acheter tous les billets d'entrée de quatre salles de cinéma de Pékin pour la sortie vendredi du blockbuster Transformers, espérant montrer ainsi à son ex-petite amie qu'elle avait eu tort de le quitter. Oui, et identifié sous le nom de Wang, ce nouveau riche avait été éconduit 7 ans plus tôt par la jeune fille à l'époque où il avait étudié à l'université en province. « J'étais si pauvre que je ne pouvais pas nous offrir 2 billets de ciné », a-t-il écrit sur son compte de microblog en s'adressant à son ancienne compagne. Et voilà, en tout cas, plusieurs choses s'en suivent. Il a voulu prouver sa masculinité et il a payé cher. Et il fait maintenant une déclaration pour faillite personnelle. Le nouveau film Transformers 4, The Heir of Extinction of the Battles of the Robots, l'opus 4 d'une série mettant en scène des robots géants sauvant le monde avec une bataille intergalactique, met en scène Mark Wahlberg et moins de Shia LaBeouf, et ça est un volet de film que... Combien de temps qu'il l'a laissé, le gars, sa blonde? C'est elle qui l'a laissé. Ah, c'est elle que... Ouais. Combien de temps? L'histoire dit pas s'ils sont revenus ensemble, en fait. Mais y a-t-il déclaré une faillite pour vrai? Non. Ça serait ça plus drôle pour vrai. Ouais. Ben, c'est déjà très drôle. J'ai inventé ça. On avance. OK, ben, next. Megan Fox sans maquillage sur Instagram. Megan Fox a rejoint le réseau social de partage de photos Instagram jeudi et l'actrice a surpris ses admirateurs. Elle a publié un égo-portrait, hein, ça c'est un selfie, sans maquillage comme première image. Alors tout le monde était impressionné. Fox, qui a subi plusieurs chirurgies esthétiques au visage, apparaît rarement au naturel, hein, parce qu'elle cache les cicatrices, bien sûr. Elle s'est faite faire, pour vrai? Ben non, elle est belle, Tommy, elle est comme ça. Ben là, elle crée ça à 24 ans. Ben oui, mais c'est ça. Okay. Sur la photo, l'actrice de 28 ans, hein, je te corrige, bon. A affirmé sortir du lit et ne porter aucun artifice. Non, aucun... Elle a confié l'authenticité de son compte Instagram sur Facebook, demandant aux gens de se méfier des imitateurs. Faites attention aux imitations. Voilà. Megan Fox a déjà eu un compte Twitter, mais a rapidement cessé d'alimenter son fil après sa création. Et en quelques jours seulement, elle a maintenant 1 million de suiveurs sur Instagram. De followers, hein, disons-le. Bon, faut le dire, c'est de même que ça s'appelle. Une petite dernière? Une grosse dernière, Tommy, parce que c'est un dossier important. Un restaurant mobile pour le meilleur ami de l'homme. Alors oui, un restaurant pour chien. Tout est possible et ça se passe à Pardubis. Les chiens peuvent maintenant manger dans des restaurants tout en remuant frénétiquement leur queue dans l'attente des choses délicieuses à venir. Alors, les serveuses de ce nouveau restaurant ambulant pour chiens expérimenté en République tchèque posent le plat choisi par Bessie, le chien, sur une table basse à côté d'un bol d'eau. Le bichon bolognais le dévore en un clin d'œil. Ça a l'air délicieux. Et cette version tchèque est le dernier avatar d'une série d'initiatives pour restaurer nos amis à quatre pattes. Depuis la livraison de repas de luxe en Inde, les happy hour pour chiens aux États-Unis ou un vrai restaurant en Allemagne où les chats sont aussi les bienvenus. La filiale tchèque a lancé cette idée cette année sous forme d'une double tente et prévoit une tournée pour le mois de juillet à travers une douzaine de villes. C'est comme des food trucks dans le fond. C'est comme des food trucks, mais pour chiens. Pour des chiens hipsters. Hipster. Des chiens hipsters. Tu portes du American Apparel. Ben ouais, c'est comme ça. Et ils indiquent que l'année dernière, ils ont fait le tour des parcs. Hein, c'était un projet pilote. Tamara Simkova, directrice du marketing de la compagnie à l'origine de l'idée. Ils étaient heureux que quelqu'un soit venu les voir au parc pour parler de chiens et d'aliments pour chiens. Nous avons donc décidé de lancer le projet. C'est assez collé. Il t'avait prévenu. Hein? Ah oui, c'est une grosse nouvelle. Voilà, ce restaurant ambulant se compose de 2 tentes abritant chacune une table noire, plusieurs couvertures et coussins verts, ainsi qu'un siège destiné au maître de l'animal. Dans un coin, il y a le menu offrant du poulet aux légumes, du saumon aux pommes de terre, de l'agneau au riz et à la glace, du lapin au riz et des boulettes de viande à la graisse de volaille. Pour le dessert, les toutous peuvent choisir parmi 4 saveurs de biscuits, gibier, agneau, veau et volaille. Pour faire leur choix, les cabots reniflent des échantillons Et nous ne cuisinons pas, nous servons tout simplement nos produits pour que les chiens puissent le tester, dit Mme Simkova. Les restes peuvent être emportés dans un doggy bag. Oh! Merci beaucoup, Fred. En tout cas, ça dure encore longtemps, tout ça, mais on va pas... on va continuer l'émission. On va faire un lien avec encore d'autres nouvelles de chiens. Excellent. Ben, j'ai trouvé une petite affaire assez flyée ici. Là, ça paraît que c'est du volontaire absurde. Mais on est à 70%. On se paye une folie. Puis au retour, moi, je pense que ça va être David. Hein? Les coupes du monde. It's going hard. Hard but not. It's not even so cold. Ça va, David? Ça va, man. Des gros moments. Ça, Tommy, c'était... Ben, en fait, je vais être franc avec toi. J'ai passé une retraite fermée le week-end dernier au chalet. Je pouvais pas... Tu sais, je sais pas si on t'a annoncé les nouvelles. J'ai perdu mon pari. Voilà. Ah, la France a été éliminée. La France a été éliminée. La France est éliminée? La France a été éliminée, hein. C'est là que ma Coupe du Monde s'arrête. Ta Coupe du Monde s'arrête parce que la France est éliminée? Ben, c'est comme quand tu prends un camion puis tu vas au dépanneur pour chercher de la bière puis t'as manqué d'essence. Est-ce que t'as de la bière? Non, parce que t'as manqué d'essence. Non, mais c'est... Fait que tu te présentes quand même devant nous à 70% ce soir, la tête basse. On a un contrat moral, toi et moi, Tommy, tu sais. J'avoue. J'avais promis des chroniques. On va continuer de parler. C'est comme, je vais mettre mon poker face. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Mais je vois, ouais, t'as l'air débité un peu. Ça n'a pas été facile. Je vous fais. De toute façon, en plus, ça va être de plus en plus court parce qu'il y a de moins en moins de matchs à décrire. Donc, je vous disais, la France a perdu contre l'Allemagne 1-0. Le Brésil a gagné contre la Colombie 2-1. Argentine-Belgique, 1-0 pour l'Argentine. Et 0-0, les Pays-Bas et le Costa Rica. Mais c'est les Pays-Bas qui ont gagné au tir au but. Donc, vous voyez, pendant les rondes, on était à du 3 buts par match. Ouais, on est dans du 1 point. Ça joue hermétique. C'est beaucoup plus fermé. Fermé, on dit. Ouais. Fait que c'est ça pour... par contre, j'ai trouvé des statistiques que je pense qui sont intéressantes pour les auditeurs. Tu sais comment... Ben oui. Je sais que toi, Tommy, particulièrement, t'es un... Un fan de statistiques, de football. Un homme de chiffres. Oui. Sors ton crayon, ton papier. Oui. Mais c'est pas intéressant. On regardait, tu sais, que c'est la 20e Coupe du Monde en 2014. La 20e. Ah ouais? 20e, oui. Ça fait que ça fait 80 ans qu'ils font ça. Ouais. Oui. Bien joué. 80 ans qui font ça, première stats. Mais ça nous donne surtout au maximum si on fait 20 Coupes du Monde, on parle donc de 20 finales, donc un maximum de 40 équipes différentes. Vous me suivez jusque-là? Effectivement. Oui, oui. 20 fois 2 équipes qui jouent. Tu peux pas jouer le Brésil contre le Brésil. Ouais. Mais ça donne aussi un minimum de. De 20. De 2. De 2. De ouais, deux. Ça pourrait faire... Mettons que les deux mêmes équipes ils se sont toujours affrontées en finale. Comme ton affaire de l'Espagne. Là. Comme mon affaire de l'Espagne, tu demandes moi, mais. Ouais, j'écoute. Mais, malheureusement, c'était édifiant. Cet exemple-là, il était édifiant. Mais en tout cas, bref. Donc, entre 40 et 2, est-ce que vous pouvez me lancer un chiffre rapidement? 18. 18? Ah, t'es fair play. 23? C'est 11. 11, ah, ben 11 équipes. 11 équipes se sont affrontées. En finale, au total. Au total. Dans ces 20 équipes-là, combien qu'on a de vainqueurs? Ben, différents, tu veux dire? Oui. OK, 11 différentes. Moi, je dis 7. Je dis 4. Toi, tu t'en vas pas au bras, tu viens avec moi, on va aller au casino. Ah, c'est vrai, c'est 7. Donc, en 20 Coupes du Monde, il y a eu réellement 7 vainqueurs. Puis ça amène une question. Est-ce que le football est élitiste? Ben oui. Ben là, c'est sûr. Oh oui, ça a tous les défauts. OK. Non, mais c'est quand même quand tu dis... Parce que autant on croyait que tous les pays allaient faire un petit upset puis allaient avoir des trucs... Mais veut pas, le Brésil sont quoi, 130 millions le minimum, là, ouais. Fait que ça les en fait des joueurs. Hein. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que... Quelqu'un qui travaille, ben ils passent le journée à jouer des... Écoute, là. Mais dans un même ordre d'idée, puis on va y aller avec des chiffres, là, tu parles de 130 millions, mais, les Chinois, tu sais, les Chinois sont quoi, 3,5 milliards? Ouais, mais ils sont tous petits! Voyons, oblige-moi pas à sortir mon racist book of assholes! T'es en train de me dire qu'ils n'ont pas 23 joueurs qui jouent au soccer? Ben non, 3,5 milliards? Ils ont juste fait un joueur de foot de basketball. Voyons, mais tu sais comment ils l'ont fait, lui, on n'en parlera pas, mais c'est un sujet en soi, littéralement. Ben, ça me tente d'en parler. Là. Tu dis ça de même. C'est une expérience de la vie. Yao Ming, c'est une expérience scientifique. Yao Ming? Ouais, c'est sa mère et son père ont été mis ensemble. Sa mère, c'était une championne de basket olympique pour l'équipe de Chine. Son père, je ne me rappelle plus quel sport, mais il s'est rendu lui aussi au niveau olympique. Les deux étaient très, très grands. Dedans. Absolument. Toi, viens dedans. On a un new breed of Chinese. Vous regarderez ça à la maison. Yao Ming, qui est un champion donc, de la NBA, qui s'est retiré parce que justement, il y a eu des problèmes de santé vers la fin. Il n'y a pas eu un grand nombre de saisons. Je ne suis pas connaissant en basket. C'est super intéressant depuis que tu ne parles pas de football. Bien joué. Là, on ne parle pas de football. Je vous ai promis de parler de Coupe du Monde. Oui, Coupe du Monde vrai. Au pluriel. On parlait des Coupes du Monde. Je vous présente les Coupes du Monde. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, on passe tout de suite au dixième. On a Ochoa. T'as comme un top 10, dans le fond, coupes du monde. J'ai fait un top 10 à la maison pour voir donc les coupes du monde. Un top 10, c'est toutes des coupes du monde qui ont lieu actuellement, en 2014. OK, les autres sortent en public présentement avec ça sur la tête. Non seulement en public, mais ils s'assurent d'avoir 160 caméras HD qui les filment de façon tridimensionnelle. Et voilà. Et c'est vu par à peu près 1,5 milliard de personnes de par le monde. Sans compter les replays. OK. Fait que on est avec toi, là. OK. Donc, numéro 10, on a Ochoa, vous voyez? Oui. Lui, c'est le gardien du Mexique. En fait, vous allez me dire, bon, il est pas si pire que ça, c'est une coupe nationale constitutionnelle, mais en fait, lui, son problème, c'est qu'il s'est trompé de sport. C'est un joueur de tennis. C'est vrai. Ça fait tennis. Ça ressemble à ça, oui. Il n'y a pas... Mais c'est le numéro 10. On commence lentement. On commence lentement. Numéro 9. Lui, j'ai une question spéciale pour toi. Tu sais, c'est Asamoah Gyan, un joueur donc du Cameroun. Est-ce que tu peux deviner c'est quoi son numéro de jersey? C'est le numéro 3. Wow. Ah, je savais que ça t'intéressait au fond. T'es un fin renard. Ah oui, fin renard. Ramène-moi au casino. Le numéro 8. C'est Vanilla Ice. C'est Vanilla Ice. En fait, c'est une photo de... Est-ce qu'on voit bien le Z? C'est Ronaldo. Ouais. Ronaldo voulait me dire, ouais, mais lui, ça vaut mieux qu'une sixième place. Son classement était... J'ai fait une genre de proportionnel avec son exposition. Donc, comme tout le monde l'a vu, c'est moins une surprise. Mais effectivement, Ben Zorro, il a dû faire quelque chose de pas correct parce que Zorro était après lui. Bon, je pense qu'on a une deuxième photo de lui. On les a toutes vues sous son angle avantageux. Et voilà. Ensuite, on va avoir deux photos également d'un Français, un nouveau joueur en équipe de France, Pogba. Lui, c'est assez complexe, si vous remarquez. On parle de rasé sur le côté, un genre de mohawk, une ligne jaune, deux lignes jaunes sur le côté, puis une ligne jaune en dessous de l'arrêt des cheveux. Évidemment, ça coupe à lui, pour ceux qui seraient intéressés d'aller la faire faire en ville, mais évidemment, il y a des suppléments. Là. On conseille la crémerie pour ce genre de coupe de cheveux. Let's go next! Là, on en a une ou une autre qu'on voit souvent, mais j'aimais bien cette photo-là. On parle de Neymar, évidemment, le joueur du Brésil qui est malheureusement blessé et ne finira pas sa Coupe du Monde. C'est surtout pour la texture de mousseline. Donc ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Let's go next. Là, on en a une intéressante. Tu vas me dire, ouais, mais Tommy, ça c'est David, je veux dire, c'est Ryan Gosling. Ok. Mais ce n'est pas Ryan Gosling. Ok. Son nom c'est Raoul Merlès. En fait, c'est une photo d'avant. Tu vas pouvoir passer à la photo d'après ensuite. Okay. Ça, c'est aujourd'hui. OK. OK. Donc, est-ce qu'on parle bien d'un genre de hipster qui a en plus un mohawk? OK, ouais. Puis il y a une barbe, là? Ouais. OK, là, il a l'air de ça, puis maintenant, il a l'air de ça. Ouais, maintenant, il y a la barbe. Avant, il avait l'air d'un acteur. Ouais, OK, c'est bon. Ouais. Donc, tu sais, à la maison, des fois, il y a des choses qu'on peut considérer comme une mauvaise décision. Ça, c'est une mauvaise décision. Je trouve qu'il ressemble à mon père. Oui. Ah oui, avec un faux hawk et tout. Comme ça. Oh, c'est cute. C'est beau. Finalement, on arrive au numéro 2. Numéro 2, c'est... Là, je sais pas si c'était la photo du bonhomme tout nu, là. Oui. Mais il est tout nu parce qu'il joue pas souvent. Je l'ai mis quand même parce qu'il est effectivement sur les terrains de la Coupe du Monde au Brésil aujourd'hui, mais il était sur le banc des remplaçants. C'est Kyle... Kyle Beckerman, donc qui joue pour les États-Unis. Tu peux passer à la photo suivante. Vous avez remarqué, sa particularité, c'est qu'il y a des dreads. Bon. Il y a des pieuvres sur la tête. Ouais. Donc, c'est ça. J'imagine, je ne demanderai pas qu'est-ce qu'il écoute comme musique, ni qu'est-ce qu'il fume comme tabac. Mais il y a définitivement une question d'aérodynamisme dans son cas, lui. Ouais, je pense que ouais, tu as raison. Puis la victoire, la première place, ça, Tommy, je vais t'avouer que je te montre une photo, mais il aurait fallu que je te montre le ralenti de la CBC derrière sa tête cette semaine. Oh, il y a la petite couleur. Aïe. Ça, mesdames et messieurs, c'est un carton rouge. Bam. Il fait partie de l'équipe, c'est quoi? C'est la Hollande qui avait battu la France? Ouais, non, lui, il joue pour l'Argentine, en fait. Et donc, ils ont gagné leur match contre les Pays-Bas. Et donc, il va se retrouver en demi-finale cette semaine. Je vous raconte. De toute façon, tu sais que lundi prochain, ça va être la dernière chronique. Mais ça va être aussi la chronique où est-ce qu'on va savoir qui a tout gagné. Ah ouais, parce que ça finit quand? Dimanche soir. Ouais. Dimanche soir, c'est le lendemain des coliques. Fait qu'il y a des. Tout ça rassemble. Tous les univers sont en train de se battre. Tout est dans l'univers, ça semble. Mais bref, fait que c'est ça. Donc, Rodrigo Palacio, bien joué. Et voilà. Hey, merci beaucoup, David. Cool. On s'en est foutu juste assez. On va essayer de te garder à 70% pour d'autres choses quand ça va être fini. Sinon, c'est la semaine prochaine qu'on va avoir la finale. Là, pour l'instant, j'ai comme des séquences qui nous viennent d'un gars qui aime les ballons. Ça va être beau. On va voir Mathieu en haut. 27-year-old Dave is infatuated with balloons. The best way to protect it is underneath the shirt. And you feel the balloon right there with you. You feel so close, and you feel so warm, and you feel so... I mean, your heart just reaches out to this beautiful, beautiful balloon. I believe these balloons are my children. They are a part of who I am as a person, and I feel that they make part of my so-called family. I love to sleep with them in my shirt. I create this world of sleeping on clouds. And you just want to feel the love emanating from these beautiful, beautiful balloons. Some people will think I may be doing something else with them. Not true at all. I am pure in my life. I keep the balloons the same way. autres souvenirs du passé que j'ai redécouvert cette semaine grâce à un post de Jean-Sébastien Godette sur le groupe de douteux.org. Akira Takahashi, c'est le gars qui a créé Goldorak, à mon sens, là, le dessin animé. Sinon, ben, ça jouait à TVJQ dans le temps, on s'en souvient tout le monde. C'était le bon vieux temps. La toune, c'est juste de réentendre ça me donne des Colin, ça va bien, Mathieu? Je fais le crooner. Ah ouais? Mm. Encore? C'était pas... Non, tu pensais que c'était fini. Ouais, je pensais que tu prenais tes... tout le temps. je comprends ce que tu vis. J'ai pris de la drogue, donc j'ai brisé ma mémoire à court terme. Ah. Jusqu'à quand? Ah, je sais pas, ça, c'est... Le monde est fou, Tommy! Ouais, c'est ça, une c'est ça. Ouais, ben, c'est ça. C'est une variation sur le même thème, tu vas remarquer. Tesla n'a pas inventé l'électricité, hein? Non. Ça existait avant qu'on soit là, ça. C'est ça, l'électricité se crissait bien, Tesla, en fait. Oui. Elle existait, hein? Oui. Parce que ça existe, en fait. L'électricité, je te suis. C'est ça. Mon fils, il vient me voir, il me demande, « Papa, pourquoi il faut tout le temps posséder des affaires? » Tu sais, moi, ayant été élevé dans une modeste famille de bourgeois violents, voleurs alcooliques, je ne peux qu'affirmer mon immense vide devant une telle question. Donc, en bon parent, hein, dis-je, « Non, mais faut-tu pas que tu me poses des hosties de questions de retardés? » Je le sais que c'est pas la meilleure réponse possible. Ouais, t'as flingué le messager. Ouais, c'est juste au-dessus d'un papaye occupé, qui lui est juste au-dessus d'une claque sa gueule avec un grognement. Mais on n'est pas des animaux. Non, ça c'est encore moins des reptiles. Hein. C'est vrai. En tout cas, personne n'apporte de preuves tangibles, Tommy. Une photo, une vidéo, un cadavre. Ouais, YouTube. Le mot posséder, c'est direct en lien avec le mot avoir, hein? Effectivement. Ouais, posséder, avoir quelqu'un, quelque chose, une idée, tu sais. Et personnellement, je possède les trois. C'est-à-dire une vieille Norman 12 cordes, hein? Ça, c'est la chose que je possède. Le quelqu'un, c'est mon fils. Et les idées, oui, je dois avouer que j'ai une vague idée de ce que c'est la vie, Tommy. Oh! Ouais. Flègue. Ouais, c'est ça. Moi, tu me dis la vie, je te dis balabou. OK? Tu me suis-tu? Ouais. OK. Avoir, Tommy. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez. Ils aillent. Ils aillent, ouais. Ça, c'est en tchèque, je pense. Ouais. Ils ont, en français, pour ceux qui ne connaissent pas le tchèque. C'est un des premiers verbes hein, qu'on apprend au primaire avec le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ils sont. Non. Ils sont. Et là, j'entends, il y a des gens qui disent ils sucent. Non, ils sont. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas sucer. Bah, des fois, ça arrive, là, si t'es fin. C'est sûr, là, c'est sûr que j'aurais pu apprendre hein, autre chose si j'étais resté à l'école. Mais tu sais comment est-ce que c'est? Hein? Tu vends de la dope au prof. Ils n'ont plus grand-chose à t'apprendre. T'as compris la game. Anyway, avoir... non, c'est une niaiserie. Avoir puis être, hein, sans dit long. Sans dit long sur nous, je pose la question, qu'est-ce que l'humanité est supposée faire? Passer nos vies à posséder des choses, des gens, des idées. Hein, tu viens au monde, ben non, c'est comme ça, je pose la question, là. J'ouvre le débat. Hein? Le débat, ça se dilate. Hein, voilà. Tu viens au monde, tu viens au monde, ton nom, un numéro, un petit bout de papier, ça s'appelle un certificat de naissance, tu sais. Ça prouve que t'es venu au monde. Là, t'es là, là, tout le monde est au courant, t'es là. Fait que là, tu grandis, t'arrives à l'école, puis là, fitoué sous moi, en tout cas, dans mon temps, il y en avait en esti du papier, tu sais. Là, il y avait des examens, des moyennes, puis des bulletins. Ah. Et là, ça, c'était une première course aux chiffres de l'excellence qui se soldait inévitablement par une féroce compétition à l'international, hein, à savoir qui de tous et chacun est le meilleur des meilleurs, Tommy. Bac, doctorat, hein, maîtrise. Hein? Le bout de papier, t'en souviens-tu? Bon, ouais, c'est lui. Ouais. Après ça, ben, c'est le marché du travail. Hein? Puis ça, ben, ça, c'est le fun. Là, tu mets ton plus beau costume, hein? Ton plus beau sourire, puis tu te fais aller le papier devant une multitude de maîtres potentiels. Hein? Après ça, tu échanges 3-4 questions au sujet d'un autre hostie de bout de papier, hein, qu'on appelle CV. Puis s'il est content, ben, il t'engage. Là, tu vas recevoir une somme d'argent, hein? Comptant ou par chèque. À papier, tu sais. Puis là, ben, tu sais, pour un service rendu, en fait, hein? Et ça, c'est un peu comme les putes à Amsterdam, Tommy. Sauf que nous, on n'est pas dans des vitrines, hein? C'est vrai. Ouais. Malgré qu'une fois, Emploi Québec, il avait fait une journée, tu sais, vitrine sur l'emploi. Bon. C'était juste une allégorie. Ouais, c'est ça. Tout ça est une métaphore, Tommy. Je veux pas que tu te poses plus de questions que ça. OK, j'arrête. Ouais, bon. Là, hein, après ça, quand t'es engagé, là, tu passes 30, 40 ans là, à faire la même chose tous les jours. Puis, pour les plus chanceux, c'est la retraite. Hein? Et ça, c'est la retraite, en fait, c'est que tu continues à recevoir un petit bout de papier tranquille chez vous. Hein? Un sentiment de réussite, j'en suis certain, l'accompagne. Et puis, tu meurs. Puis, on te met un petit dernier bout de papier autour de l'orteil. Hein? Comme au début, ton nom, un numéro. Puis, tu t'en vas. Personne ne sait où. Mais une chose est sûre dans ce frigidaire. Et ce n'est pas le bicarbonate de soude qui réglera cela. Genre... Je ne sais pas que j'avais pris hier, mais sérieux. C'est comme une joke de surette. Ouais, je ne sais plus. C'est ce bout-là, tout ce bout-là, je ne comprends plus. Papa! Papa, c'est quoi le rapport avec le bout de papier puis posséder? Fait que là, tout de suite, tu sais, j'ai dit « Le papier nous permet de posséder ». Et ça, quand j'ai dit ça, j'étais tout nu sur le divan, une planche de Ouija dans les mains, puis un abat-jour sur la tête. On écoutait le CD de Star Academy à l'envers, Tom. Ah, ça jouait pas fort, à l'envers, là. Non, c'est... C'était le fun. Ma psy était sceptique hein, quant aux méthodes utilisées, mais elle m'a quand même félicité pour l'ensemble de mes améliorations. En tant que père, et aussi, depuis la semaine passée, je la stalk plus sur Facebook. Elle est très contente de ça. Je la salue, d'ailleurs. mon fils, il dit « Hey, papa, ça a l'air de faire vraiment longtemps que posséder, c'est être. » Il dit « Puis on n'a pas l'air à le savoir, c'est qui a commencé. » Bon, moi, fiston, je peux te dire tout de suite, mes sources me confirment que c'est un enfoiré. Mais ça, c'est une question de foi. Hein? Et là, je veux pas non plus rentrer dans la foi et mettre ça entre les mains de Dieu. Hein? Dieu a le dos large assez comme ça, ça m'étonnerait pas qu'il finisse par s'en laver les mains. Hein? D'ailleurs, je le sais pas si t'as déjà vu ça, Dieu qui se lave les mains. paraîtrait qu'il y a un dude qui a fabriqué un bateau et qui a sauvé tous les couples mâles-femelles hein, des animaux de la Terre. Et quand j'ai dit ça, mon fils m'a regardé l'air terrifié, tu sais. Fait que là, j'ai continué, j'ai dit, dans une joie plus qu'éternelle. Et là, il a pleuré. Non, mais il a pleuré. il a dit, papa, je comprends. Merci d'être honnête avec moi. Puis il est parti dans sa chambre, tu sais. J'étais tellement fier de le voir grandir, tu sais. Il savait là, que je le niaisais, là, clairement, tu sais, que généralement, hein, quand quelqu'un part de même sa religion, tu dis « Ouais, ben tant qu'il y aura des certitudes, hein, il y aura désir de possession. » C'est sûr que c'est pas ça qu'il m'a dit, il y a 8 ans, mais c'est ce que j'ai vu dans ses yeux. l'éternel, hein, l'éternel duo vente à chat qui tourne en rond dans la vie comme ça, c'est un peu comme l'œuf et la poule, Tom, hein? Mm-hmm. Rendu là, tu manges les deux. En terminant, mon père, il disait, je préfère payer pour enculer que me faire payer pour me faire enculer. Et ça, c'était vulgaire et en rien, ça n'aidait la question. Mais ça, il faisait du bien de le ben dire. Ben voilà, s'il pouvait noircir une feuille de papier encore. Sinon, mon fils, il est chill avec tout ça. Hein. Ça fait 3 jours, puis il joue au PlayStation, puis il mange du chocolat. En se disant, hey, 3 piastres pour aider la société du voyage des personnes qui vont mourir handicapées pour construire des écoles Inc. C'est peu cher payer son paradigme. Puis il se fumait une puff de joint, tu sais. Comme pour le laisser aller, qu'ils disent. Fait que hashtag, le monde est fou, mais on s'en fout, parce que l'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès, ni de près, ni de loin. Merci beaucoup, Mathieu. C'est ça. Hey, on va aller finir l'émission tranquillement. Là. Garde le micro parce qu'on va regarder un de nos volets désinformation de notre ami Marc-André Labelle. On va commenter ça. On va avoir besoin de Fred aussi, pas trop loin. Là. Ah, le chat, il ressemble à Hitler. Le chat, il ressemble à Hitler. Colin, c'est drôle. Les ça. Québécois sont de plus en plus réceptifs au message de ah ouais. De Stéphane Hitler. Une bernache. Stéphane Hitler. Ah, c'était mon point Godwin, Tommy. Ah oui, ça c'était épais, ça. Ben ah. Ouais. Tu vois qu'il aime ça la viande. Disney pro gay, ben oui. C'est ça, c'est sûr. Tous c'est les jours. Sûr. Simon et Pumba, ils ont élevé Simba tout seul, hein. Il croit, ben oui, le Gorafi. Il croit, et on croye. Ouais, ouais, ouais, ça, je me rappelle quand il avait dit ça. J'étais entre Matagami et Amos. Hein. Pénis de titan. Pénis de... Des centaines pour un spécimen. Ah, c'est des champignons. Ah ouais, ouais, c'est, ouais, c'est le truc qui ouvre et qui pue. Ah, ils mettent le phéromone dans le business card. Moi, j'achète le spasme. Le filmeur d'une éjaculation buccale. Ouais, ouais, ça, j'avais freaké un peu. L'image était tellement saisissante. Le gars, il a été noyé dans le sperme. C'est ouf. Il y en avait partout, là, tu sais. La folie ouais, pour les fesses de... Ben non, ben j'ai lu l'article, j'avais l'image en tête. Il y avait un nom pour la folie des fesses de hamster. Ah ben ouais. An entire wall of... Le département de l'éducation de la ville a envoyé à une étudiante de 3e année une brochure. Et dans pour... surpoids. Ah, ça c'est le fun, au moins être au courant. Ouais, ben déjà, ça commence jeune, tu sais. Ben oui, là, c'est une National Report. Les solar panels, les... ben oui. Ben oui, la scène noire, un homme très brillant, hein? Un ouais, homme ouais, qui, ouais. Sait, qui sait où mettre ses priorités. Oui, oui, oui. Il violait même les cadavres. Voilà. La Casa Anus. M'a beaucoup inspiré l'autre. Des jumelles obsessives, ils partagent tout. Ça, ça doit mettre tout le monde à l'aise tout le temps. Ouais, ouais, dans un party, là. Manque juste Eric Salvaille. Puis on joue au jeu des ciseaux. Ah, les gars, dis-toi, comme tu t'avourstes. Ça, c'est, ouais, ouais, c'est super intéressant, son histoire. Ouais, ouais, ouais. Allez, on écoute un petit clip avant d'aller finir l'émission avec Fred. C'est vraiment pas un long clip, là. Genre, je vais laisser les micros ouverts. Là. Is that the right number? Which one? He needs a beer. Throw him a beer. Oh! Oh! Holy fuck! You're kidding me. Oh, yes, ça nous amène vers la fin de l'émission. On a Fred Fournier, t'es en train de checker tes feuilles, man. T'as l'air tellement sérieux. Je prenais des notes, Tommy. C'est des dossiers importants. C'est des dossiers importants de l'univers qui ne cesse de tourner autour de nous. On était rendu à laquelle, là, on parlait? À la 7e, hein. J'étais pour faire un lien avec ma dernière nouvelle qui parlait de chiens, hein. Donc, oui. La 7e nouvelle, c'était ouverture d'une maison de retraite pour vieux chiens. Arrête. Donc, oui, ça se passe à Tokyo. Le Japon vieillit, ses chiens aussi. Mmh. Combien de temps t'as mis sur ça? Moi, j'en trouve malade. Alors, pour s'occuper des pépés à quatre pattes, tandis que leurs maîtres eux-mêmes se font soigner, une chaîne de grande distribution a décidé d'ouvrir un centre pour chiens du troisième âge. Effectivement, Aeon Pet, la branche spécialisée du géant de la distribution Aeon dans le business des animaux domestiques, inaugure aujourd'hui même, oui, sa première maison de retraite multiservice canine. Ouh! Wouf, certains diront. C'est, oui, c'est tout à fait ça. Et tout est prévu hein, pour le confort des vieux toutous, hein, un centre médical ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un salon de beauté, une salle de fitness et même une piscine de rééducation pour les pensionnaires handicapés. Donc Je oui... capote. Pendant ce temps, en Afrique. Et oui, tout est prévu aussi, hein, jusqu'au gilet de sauvetage afin qu'ils puissent faire trempette en toute sécurité. Chris, nous autres, on apprend à nager avec le nage du petit chien. J'embarque pas là-dedans. Beaucoup d'animaux viennent vieux en même temps hein, et, que leurs propriétaires. Cela devient un problème sérieux. J'espère que cette initiative apportera un début de solution, explique le président d'Aeon Pet, Akihiro Ogawa. Et apparemment, les inscriptions affluent déjà. Hein? On a reçu une demande d'une personne âgée qui vit seule et fait beaucoup de, se fait beaucoup de soucis pour son chien de 15 ans au cas qu'il lui arriverait quelque chose. Et a fait valoir Misako Fuji, un responsable du centre. Le centre est aussi conçu pour offrir des soins intensifs, voire palliatifs aux animaux souffrant de sénilité ou en fin de vie. L'admission n'est toutefois pas donnée, hein, Tommy, environ 100 000 yens par mois, ça veut dire quelques 1000 dollars, tout compris pour un chien, 150 000 yens pour un chien de taille moyenne et 200 000 yens pour un gros chien. Voilà, et pour éviter que certains indélicats tentent de se débarrasser de leur animal en le plaçant dans un centre pour chiens âgés, bien les parents passent un entretien préalable au terme duquel leur chien est accepté ou non. Donc, les entrevues sont ouvertes. Ils prennent pas n'importe quel 100 millions par mois, eux autres. Là. C'est pas n'importe qui est accepté, là, Tommy, à l'université des chiens âgés. De Tokyo. Let's go next. Un adolescent considéré comme un dieu à cause de sa queue de 7 pouces. Oui. Ah, Seigneur. C'est pas ce que vous pensez. Hein. Arshid Ali Khan, un adolescent vivant à Punjab en Inde, est considéré comme un dieu parce qu'il a une queue de 7 pouces dans le bas du dos. Pour les gens de la région, le jeune homme de 13 ans est la réincarnation de Hanuman, le dieu singe. Ben oui, ouais, ouais. Et pour les geeks... Fallait pas que ce soit le dieu des oiseaux, là. Non, non, c'est un... le dieu des singes. C'est ça, on y va, standard B. Malheureusement, sa malformation jugée divine lui cause beaucoup de problèmes de santé. Arshid doit se déplacer en fauteuil roulant, mais ne considère pas une opération pour se faire retirer sa queue. Selon lui, grâce à elle, il peut prier les dieux et exaucer les désirs des gens. Ben oui! Et passer dans le journal. Et passer dans le journal. Passe-t-il à travers les murs? Ainsi qu'à 70%. Son grand-père confie au Daily Mail, donc eux aussi en ont parlé. Qu'il a su que son petit-fils avait quelque chose de divin lorsqu'il a entendu ses premières paroles. Arshid avait énuméré les mots de plusieurs dieux de différentes religions. Et moi de même. C'est ça. Prochaine nouvelle. là, je vais traduire de l'anglais, hein, parce que c'est toutes des nouvelles que j'ai prises cette fois-ci sur des sites anglophones. Donc, voilà. Un fan des Yankees est pris à dormir sur la télé et poursuit ESPN et la Ligue majeure de baseball pour 10 millions. Hein, pourquoi pas? Et c'est ça, un homme de New York qui a été pris à dormir pendant une partie récente des Yankees contre les Red Sox sur ESPN a rempli une poursuite en diffamation de 10 millions de dollars contre justement la chaîne de télévision et contre la Ligue majeure de baseball pour une avalanche de mots diffamatoires. Alors, Andrew Robert Rector a admis qu'il a dormi brièvement en étant à une partie de baseball et que durant la quatrième manche, il est apparu à la télévision sous une croisade verbale incessante. Alors, voilà. Et d'après le rapport qui a été... Le rapport! Le rapport qui a été rempli par... Le rapport! Oui, le... la poursuite de M. Rector, en fait, truffé de fautes ainsi que de défaillances grammaticales, demandant que, en tout cas, ça a l'air qu'il n'y a pas eu des beaux mots qui ont été dits sur lui, et il poursuit autant les Yankees que ESPN ainsi que la Ligue de baseball majeur. Alors, on a un clip, là? Oui, on a un extrait de ça, donc allons voir. Oh, yeah! The number one live streaming sports service celebrating 12 years. This guy's oblivious to how good it is. Join the millions of subscribers, maybe even this guy. Watch every out-of-market game live in true HD on over 400 devices. Visit MLB.tv for details. Sometimes you have to turn it off to get some sleep. C'était ça. C'était d'une méchanceté, hein, vous l'avez tous témoigné. Donc, même moi, je n'aurais pas été jusque-là. Hein. Voilà. This guy is oblivious. Ouais. Ça se dit pas, en tout cas. Non, ça se dit pas, c'était pas fin. Continue. Voilà aussi, de prochaine nouvelle, Google s'assure que ses fondateurs vont survivre à une attaque de Terminator. Oui, ben, tu sais. La famille Connor peut avoir fait une bonne, un bon travail hein, d'avoir prévenu Skynet de venir. En tout cas, blabla. Google a pas pris de chance, eux. Le géant de l'Internet a rapidement téléchargé, en fait, uploadé donc un fichier texte qui s'appelle Killer Robots. C'est un Easter egg, en fait, qui va faire en sorte que de dire au Terminator d'éviter de pourchasser les cofondateurs de la compagnie Larry Page et Sergey Brin. Donc, ça a l'air qu'il y a plus que ça à la plaisanterie qui devrait arrêter hein, les meurtres d'automates provenant des films au cinéma. Moi, je vois juste Skynet qui essaie de se protéger là-dedans. Mm-hmm. Je pense que c'est ça, hein, c'est pour éviter que Skynet devienne self-aware, peut-être, puis pour leur indiquer, venez pas attaquer Google, en tout cas, puis allez pas dans le passé... ou dans le futur pour essayer de les tuer, ça pourrait changer le cours de l'histoire. C'est pas une bonne idée. C'est ça. L'Ukraine demande le retour de ses combattants dauphins de la Russie. Hein. Ça se passe à quelques milles de la côte. Hein. On sait que récemment, la Russie fait en sorte que la Crimée soit annexée. Ils demandent non seulement le retour du territoire, mais aussi de leurs dauphins combattants. Qui font partie d'un programme qui entraîne les mammifères à faire des tâches militaires, entre autres trouver des mines en dessous de l'eau. En tout cas, de puissants soldats. Puis les autorités, puis les machos vigants, incestueux des espèces animales. Puis en tout cas, ça avait tombé dans l'oubli, hein, ce programme militaire de dauphins, Tommy. Il y a des chances que oui. C'est seulement dans les années 2000 hein, qu'on avait dit que les dauphins avaient été vendus en Iran pour possiblement une bombe atomique. Je ne sais pas si ces rapports-là sont exacts. En tout cas, je traduis de l'anglais, hein, je ne sais pas. Il était entraîné aussi pour contre les hélicoptères. Ben oui. Ben oui, puis pour aller prendre chercher des cafés, faire des photocopies. Les ingénieurs ont aussi développé une nouvelle aquarium technologique pour rendre le programme plus efficace et utiliser les dauphins en dessous de l'eau, dit une source non identifiée à l'agence de presse. Et les spécialistes ont développé des nouvelles machines pour convertir les dauphins hein, en sonore sous l'eau et détecter la direction des cibles, des signaux, en fait. Et voilà, hein, c'est ça. Puis, bien important, les dauphins dans l'armée. Et pour terminer, Tommy, un prêtre voodoo veut jeter un mauvais sort à l'Allemagne. Donc, ça se passe au Brésil. L'Allemagne au complet. À Rio de Janeiro, à l'équipe, plus précisément. L'Allemagne va devoir faire face aussi à la magie noire. Je pense qu'on avait un... Voilà. Hein? Parce que oui, c'est une job pour le chaman. Mais c'est ça, la Selecao brésilienne va jouer contre l'Allemagne. Ça va se passer mardi, donc demain, en demi-finale. Et le prêtre voodoo planifie jeter un mauvais sort à la Mannschaft. Et voilà, c'est parce que le Brésil aussi va jouer sans son joueur vedette Neymar, hein, qui a été blessé au cervical. Mais la magie noire de Elio Silman de Rio de Janeiro va faire en sorte que il va cibler les jambes des joueurs. Comme ça, ils ne pourront pas courir sur le terrain. Ouais, c'est ce qu'on verra. C'est sûr. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air qu'il y a une poupée vaudou aussi qui est impliquée dans tout ça, ainsi que des aiguilles, et il va pratiquer ça selon selon l'effet spécial. Selon l'Amazonie. La procédure de l'attaque vaudou de magie noire. Regardez demain à la télévision pour savoir si les joueurs auront mal aux jambes. Merci beaucoup, Fred. Oui. Hey, c'est la fin de 70%. Merci, Mathieu. Ouais, c'est ça. Va pas trop loin, on va avoir besoin de toi après le dernier clip. Merci, Michel, d'être passé nous voir. C'est gentil. On a Fred Fournier, bien entendu, aux nouvelles, à la place de Bruno. On a eu David Saïd aux Coupes du Monde parce qu'on s'en fout. Et puis, ben là, allez pas trop loin parce qu'on va écouter un petit montage avec Lorenzo Lamas. Et puis, il va y avoir aussi du Honey Boubou. Mais juste après, je vous parle du long métrage de ce soir. C'est l'excellent, faut le dire comme ça. C'est coup de force, back in force. Merci, c'était 70%. You do it like this. Going down, the rhythm projects round the next sound, reflects a complex hybrid dialect now. Detect the mesh of many elements compressed down, the melting pot of a super futuristic style. The combination of a vocal caress with lungs that gasp for breath from emotional stress with special effects. In a distorted collage, carefully lies between beats of a rhythmic barrage. It's going down, the logical progression on the timeline, the separation narrowed down to a fine line, to blur the edges so they blend together properly. Take you on an audible odyssey. Now it's going down, a logical progression on the timeline, the separation narrowed down to a fine line, to blur the edges so they blend together properly. Take you on an audible odyssey. Now it's going down. Put it out for the world to see. LP and X-Men to the 10th degree. Nobody in the world is safe. We'll bring up down the wax and your red degree. Put it out for the world to see. LP and X-Men to the 10th degree. Nobody in the world is safe. We'll bring up down the wax and your red degree. Once again it is, composed sentences, altogether venomous. The four elements of natural force projected daily through the sound of the source. Everybody on board as we blend the sword with the pen. The mightiest of weapons, swinging right to the chin, to elevate mental states long gone with the wind. To defend men from shoddy imitation pretends it's going down. Style assimilation, readily trekking through the weaponry of a pure pedigree. Cleverly seeing through whatever is ahead of me. Whatever the weather be, we advance steadily. It's going down, subterrestrial hot. A rhyme regiment that's calling shots. An execution of collaborative plots, ready to bring the separation of style to a stop. It's going down, a logical progression on the timeline, the separation narrowed down to a fine line, to blur the edges so they blend together properly. Take you on an audible odyssey. Now it's going down. Put it out for the world to see. LP and X-Men to the 10th degree. Nobody in the world is safe. We'll bring up down the wax on your record degree. Put it out for the world to see. LP and X-Men to the 10th degree. Nobody in the world is safe. We'll bring up down the wax on your record degree. X-Men, I'm about to blast off worldwide. I'm about to blast off worldwide. And boom, you do it like this. I'm about to blast off worldwide. Put it out for the world to see. LP and X-Men to the 10th degree. Nobody in the world is safe. We'll bring up down the wax on your record degree. Put it out for the world to see. LP and X-Men to the 10th degree. Nobody in the world is safe. We'll bring up down the wax on your record degree. It was only defeated once by a professional leader. You better put your professional shirt on, do what you gotta do. Let's go. I think it's gonna be defeated twice because, hey, I've got an own professional leader on my hands. We're here, Bumpkin! Oh, Lord. Mercy. I'm scared. We're here at Papa Bugs here in Matter, Georgia, to see Pung and take on the challenge of Pigzilla. Pigzilla is a 4-pound sandwich, 3 pounds meat, 1 pound bun. We're gonna see which beast wins. Pong is wearing our professional shirt today, and every time she wears that professional shirt, you know that she's being serious. Your professional shirt is still wrinkled. It's okay. Now you need a professional iron. The rules are you have 45 minutes to eat it, and then 5 minutes you have to keep it down, and then you can puke. I don't know. I think the Pigzilla! I'm the first female to do it too. Wow. Yeah. That's what I'm gonna get you. Two Pigzillas. I'm making a challenge right now. Let's go with it. Oh, hell no. I came up with this brilliant idea to challenge Pumpkin with Pigzilla to kind of get her motivated to try to help make her win. Oh, my God. Oh, my God. The rules, you got 45 minutes. You have to consume everything on the plate. I'm going to eat the bun with water. I'm going to drink the rest of my body. I mean, you can be the redneck Kobayashi if you freaking listen to me. If you do eat the whole thing, then you'll be rewarded $200. What if they don't eat it? If they don't eat it, it's $30. Oh, hell no. Y'all better damn eat that. Before you start the timer, I need to move. In order to take down Pigzilla, I need to concentrate. I need to get in the zone, and I can't afford any distractions. Are you ready, Sugar Bear? One. Assurance dentaire. Les hommes vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Les hommes vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Les hommes vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Les hommes vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Les hommes vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Les hommes vont avoir besoin de broches. Oh, plein d'ennuis. Merci beaucoup, Carl. Tu viens juste d'interrompre le fil de mes pensées. Assurance dentaire. Les hommes vont avoir besoin de broches. Assurance dentaire. Les hommes vont avoir besoin de broches. Si on laisse tomber l'assurance dentaire, ça veut dire que je vais être obligé de payer pour les broches!